130 livres, chronique du 5 octobre 2021, Badroul Boudour, de Jean-Baptiste de Froment. Antoine Galland a dépassé 40 ans, l'âge où l'on cesse officiellement d'être jeune, à compter duquel, partant, l'inexpérience n'aura plus jamais valeur d'excuse-refuge. Après quoi subir et faire profil bas pour qui y était déjà enclin, occupe une place croissante dans l'emploi du temps d'un milieu de vie. C'est ainsi qu'Antoine affronte stoïquement le supplice infligé par ses deux filles Garance et Aubépine dans le hall de l'aérogare où les attend le prochain vol pour Alexandrie. Loin de la France et de leur mère et ex-femme, tous trois séjourneront au Cloub, village de vacances prisé des plutocrates, en tant que ME ou membres exquis. Quelques pages auront suffi au lecteur pour connaître Antoine comme son frère ou son prochain, pour peu qu'il soit familier de cette époque de l'existence et de ses implacables effets sur les introvertis contemplatifs. L'homme est dépassé, asservi, désespérément désireux d'être invisible à ses semblables. Au point de renier absolument, par son choix de l'exotisme mercantile et dévoyé du club, sa vocation d'universitaire spécialiste de l'Orient. Tout petit déjà, ses envies d'un ailleurs sensuel et mystérieux s'étaient cristallisées autour des dessus et dessous soyeux vendus au magasin familial de prêt-à-porter féminin si dans la Douvre. Pour qui a lu État de nature, premier roman de l'auteur Jean-Baptiste de Froment, nul besoin de se référer à la note de bas de page avant d'y reconnaître le pendant romanesque de la Creuse. La découverte des mille et une nuits subjugua Antoine bien au-delà des charmes capiteux d'une mode douvrienne largement inspirée des années Coty. Il fut saisi par l'altérité fascinante d'un univers échappant aux repères occidentaux, comme par le fait que le traducteur d'origine eût été son parfait homonyme, né au XVIIe siècle d'une humble famille picarde et devenu professeur d'arabe au futur Collège de France. Dès lors, la vie d'Antoine prit un tournant, jusqu'à la soutenance d'une thèse intitulée « La magie dans les mille et une nuits, explication de quelques trucs », qui lui valut de rencontrer Madeleine, puis d'en faire la mère de ses deux filles, avant qu'elle finît par se lasser de le voir se complaire dans l'abstraction fumeuse aux dépens de la tangibilité de son monde à elle. Entre eux, la perte d'une valise sans sonnite au départ des grandes vacances fut la fin de tout. Extrait. Comme d'habitude, Garance et Aubépine étaient déchaînés. Avec les boîtes en carton bariolé aux couleurs d'un célèbre fast-food qui avait contenu leur repas, elles s'étaient confectionnées d'énormes couronnes qu'elles avaient solidement enfoncées sur leurs petites têtes, presque jusqu'aux sourcils. De forme rectangulaire, bombées à leur sommet, ces couronnes n'étaient pas sans évoquer, se dit-il, les tiares que portaient les despotes de l'Orient englouti, ceux de Carthage et d'Ilion, de Babylone et de Ninive, de Sumer et de Nabatène, des royaumes de Pergame et de Saba, voire des empires achéménides et séleucides. Le message en tout cas était clair. Désormais et jusqu'à l'embarquement, les enfants d'Antoine régneraient sans partage sur cette partie du terminal B7. Pour rendre leur domination plus éclatante, juchées sur le rebord du chariot à bagages, les petites filles brandissaient les bâtons de Smarties géants qu'elles lui avaient extorqués dans la boutique Hortax située juste à côté. Bâtons qui, dans leurs mains, à la fois sceptres et matraques, étaient devenus les symboles vivants de l'arbitraire. Circonstance aggravante dans son cynisme, pour appâter davantage les mioches et rendre l'acte d'achat inéluctable, comme si la promesse conjointe du chocolat et du sucre ne suffisait pas, la multinationale à l'origine de ces tubes de bonbons très grand format avait équipé leurs extrémités de mini-ventilateurs ludiques qui ne rafraîchissaient pas, mais émettaient, une fois mis en marche, un vrombissement entêtant comparable à leur échelle à celui d'un escadron d'hélicoptères américains à l'approche des rizières nord-vietnamiennes bourrées de napalm et de soldats hystériques. À Alexandrie, Antoine, Garance et Aubépine sont pris en charge par les animateurs dévoués et diligents, ADD, du club, où le papa accablé découvre la présence de son ami ennemi de jeunesse dans la Douvre, Nicolas, qui s'avère un habitué des lieux. Pour Antoine, il n'est guère mieux qu'un bonnet au succès irritant de facilité basse du front. On les invite tous deux, ainsi que les autres ME, à profiter au maximum de leur séjour entre activités sportives de rigueur et cocktails à l'Apériclub. Les plus aventureux sont incités à partir en quête de Badroul Boudour, la parfaite compagne de vacances qui se cacherait parmi eux. Ce nom étrange, Antoine le connaît mieux que l'ordinaire des touristes français. C'est ainsi que s'appelait la princesse des pensées d'Aladin avant que les studios Disney ne la rebaptisent Jasmine en vue de complaire à un public mondialisé et abondant. Non pas que le conte d'origine fût resté jusque-là une œuvre de niche. Au même titre que les autres épisodes des Mille et Une Nuits, il fit fureur dans la bonne société de la France de Louis XIV et devint une référence du mouvement orientaliste. Galland l'Ancien, lui, était retourné à un anonymat certain jusqu'à ce que Célestin Commode, l'actuel président de la République, décide sa panthéonisation surprise. Quelle meilleure manière, en effet, de célébrer la méritocratie à la française, ainsi que l'union entre Français d'origine occidentale et orientale. On imagine l'Antoine Galland d'aujourd'hui ravi que l'on honore ainsi la mémoire de son prédécesseur, sauf que l'actuel désarroi du quadragénaire, en plus d'une vie personnelle tourmentée, résulte de la découverte impromptue de ce qui pourrait bien être une supercherie historique. Tiens, à propos de supercherie, le séjour d'Antoine au club, pas tout à fait dans les moyens d'un prof de fac conventionnel, comme la victoire du jeune Anna Diab au fameux concours d'écriture télévisé Top Écrivain, ferait-il partie d'un complot aux larges ramifications? Et puis, en admettant que les considérations géopolitiques ne fassent pas tout le sel d'une semaine de farniente par 40 à l'ombre, qui sera donc la Badroulboudour qui redonnera ardeur et aplomb à notre héros fatigué? Extrait. Ils n'étaient que quatre, mais non des moindres. On comptait parmi eux Samuel Carrera, le pape des lettres françaises, dont le dernier roman, Aérobic, une histoire dans laquelle les exercices du corps et de l'esprit se combinaient subtilement au service d'une bouleversante quête existentielle, faisait fureur. Après avoir récupéré le texte de chacun des candidats, les académiciens se rendaient, serviettes de cuir marquées du blason de l'émission sous le bras, à la bibliothèque Mazarine pour en faire la lecture scrupuleuse. Afin que les téléspectateurs n'eussent aucun doute sur le niveau de concentration du jury, le réalisateur multipliait les gros plans presque pornographiques sur les quatre maîtres assis, essuyant leurs lunettes pleines de buée, suçant goulûment des stylos plumes obèses entre deux notes griffonnées en marge du manuscrit. La lecture achevée, il regagnait la coupole de l'Institut pour deviser sur les défauts et mérites respectifs des trois candidats, les défauts surtout. Généralement, ils n'étaient pas d'accord et se le faisaient savoir en émettant de curieux bêlements « Mais enfin tout de même !» On le sait depuis État de nature. Jean-Baptiste de Froment est un conteur à son aise dans un genre de fable bien particulier, dont les accents volontiers burlesques agrémentent un propos politique acéré. Plus d'une fois ici, il interpelle le lecteur, l'associant aux étapes successives de sa narration, à la fois sinueuse et limpide. Sa langue empreinte de préciosité séduira les inconditionnels du subjonctif imparfait, sans verser pour autant dans une surécriture qui forcerait à la relecture systématique. Il m'aura même semblé, sans que le style de son premier roman m'ait aucunement rebuté, que celle du second était un tantinet dépouillé en comparaison. Prodigue en virgule, l'auteur affectionne les phrases rythmées dans lesquelles il laisse flotter comme autant de mines dérivantes quelques surprises bienvenues, référence érudite mais jamais lourdingue à la culture orientale, ou blagounette bien sentie. C'est qu'on rit et sourit beaucoup au fil des 20 chapitres courts de Badroulboudour, en particulier lors du morceau de bravoure que constitue le télécrochet littéraire Top Écrivain, à la fois foutraque et criant de vérité. Le propos de l'auteur, autant que son parcours, suggère qu'il révère la littérature de la même manière que la politique, deux chefs-d'œuvre en péril pâtissant du traitement contemporain qu'on leur inflige en France. Un pays qui gagnerait à dépasser son orientalisme simplet pour mieux comprendre sa part d'Orient, comme à ignorer les réécritures opportunistes de son roman national pour embrasser une réalité historique riche et complexe, ni sublime ni honteuse pour ses enfants d'aujourd'hui. Mieux vaudrait que les vrais savants, ceux qui connaissent sans asséner, s'emparent du micro qu'on tend toujours plus facilement aux démagogues de tout poil. Mieux vaudrait, en somme, que les Antoine Galland s'extraient parfois de leur bibliothèque pour participer à la vie de la cité. Extrait. « Nicolas, c'est pas vrai, sacré-toi, t'as vraiment pas changé, » se força Antoine. « Pour être très honnête, je pourrais pas tout à fait en dire autant de toi. Mais ça fait plaisir de te revoir quand même. C'est des petits bouts de chou, ça ?» Et sans attendre la réponse. Note bien cela dit que ta présence en ces lieux est la marque d'un progrès certain à mes yeux, de ta part je veux dire. Le club, c'est l'Orient palpable, sans les chimères, la réalité de ce qu'il est, des prestations qu'il est capable d'offrir. Son regard parcourut l'horizon de façon circulaire, embrassant dans une même pensée de propriétaire le buffet à volonté, poisson grillé, manque date, le sourire et les mensurations des hôtesses d'accueil, sans oublier la qualité des infrastructures, tennis, golf, piscine à triple remous et, au loin, la mer. Atteindre au détour de la farce une profondeur singulière et inattendue, telle est la belle réussite de ce Badroulboudour. Qu'il me soit permis un remerciement d'ordre plus personnel à Jean-Baptiste de Froment avant de conclure. Antoine, en revanche, était un joli prénom, grave et tendre, avec ce qu'il fallait de tristesse pour être pris au sérieux et aimé. Pas mieux !